Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café, là où on vous rajoute des éléments issus de notre veille, on vous partage un petit peu des réflexions complémentaires. Les formats peuvent changer. La semaine dernière, vous aviez notamment une interview de la personne qui est derrière le site et la newsletter L'Économiste Sceptique. Si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur un traitement de l'économie et un regard sur l'économie, allez écouter cet épisode. Si vous voulez les incontournables de l'actu bien chaude, bien complète de la semaine avec son lot d'intelligence artificielle, de chat GPT, d'anecdotes autour de la sécurité, de sujets dans le domaine de la sécurité et même un peu de jeux vidéo. C'est l'épisode précédent du flux du podcast, mais si vous voulez encore en savoir plus sur la tech de manière générale, vous êtes au bon endroit, vous êtes dans le bon épisode. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je suis ravi de retrouver celui qui a complété sa veille cette semaine avec toutes ces infos du supplément de ce présent épisode. Salut Guillaume Pogdiaspala, comment vas-tu? Mais oui, tout à fait, je supplémente. Tu supplémentes bien, je trouve. Mais oui, tout à fait. Et avant que je te laisse supplémenter à tort et à travers, je voulais revenir sur un sujet que j'ai mentionné dans un épisode. Je m'indignais de la fermeture du HomePod et du HomePod Mini qui faisait que, en gros, t'as pas Spotify dedans. Donc tu peux pas dire « lance-moi cette musique » et tu peux même pas lui dire « lance-moi cette musique sur Spotify ». Tu vois, t'es obligé d'utiliser Apple Music. Et en fait, je disais ça et Julien m'a gentiment corrigé et complété ce retour-là par message privé. J'ai appris vraiment un truc, c'est qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas du tout Apple qui bloque. Pourtant, vraiment, j'aurais pu l'imaginer. C'est pas Apple qui bloque parce que, par exemple, Deezer a fait une très bonne implémentation. Et donc, c'est tout à fait possible d'appeler ton HomePod pour lancer de la musique sur Deezer. Je crois d'ailleurs, sans spécifiquement lui demander de la lancer sur Deezer, mais en gros, c'est très bien intégré. Et donc, c'est Spotify qui a choisi de ne pas intégrer ça sur le HomePod, ce qui me laisse un petit peu pantois et un petit peu circonspect, j'allais dire. Mais bon, merci beaucoup, en tout cas, Julien, d'avoir éclairci ce sujet. Et je me devais de relayer durant un épisode ces précisions. Et alors, du coup, dans un tout autre registre, Guillaume, de ton côté, tu vas nous parler un petit peu de un sujet qui est dans la continuité. Cette fois-ci, on ne parle pas de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle, mais de nouveaux licenciements, parce que oui, c'est un temps fort de ce début d'année 2023. C'est le fait de réduire la masse salariale des entreprises de la tech. Et ça continue à tort et à travers avec des entreprises auxquelles on ne pensait pas forcément, hein, Guillaume. Oui, la litanie des licenciements continue, hein. Il y en a déjà eu beaucoup. C'est loin d'être terminé. Il y a GitLab qui se sépare de 7% de ses employés, GitHub 10%, Yahoo 20%, Dell 5%. Alors ça représente bien sûr pas les mêmes volumes, hein. C'est quand même 6650 postes chez Dell contre 130 chez GitLab, mais ça montre que toutes les boîtes sont quand même fortement impactées. Et d'après le Financial Times, Meta se préparerait par ailleurs à une nouvelle vague de remerciements, hein, donc en mars. Et la liste en fait est interminable. Forbes maintient même une page avec la chronologie, donc on y trouve aussi Twilio, Zoom, eBay, PayPal, SAP, Groupon, 3M, Rivian, et ça touche aussi des entreprises qui sont pas totalement tech, comme Boeing, mais aussi Hasbro, Disney, News Corp, FedEx. Et le plus beau, c'est que toutes ces économies coûtent extrêmement cher, parce que collectivement, Meta, Amazon, Alphabet et Microsoft vont dépenser 10 milliards de dollars en plan de restructuration et en indemnité de départ. Mais bon, l'important, c'est que ça marche. C'est un investissement. Enfin, mais surtout, mais oui, mais ça a déjà marché. Regarde, l'objectif, c'est de rassurer Wall Street, et ça marche. Les actions remontent, et là encore, collectivement, les grosses boîtes ont rajouté 800 milliards à leur capitalisation boursière depuis l'annonce des licenciements. Nickel, les actionnaires, les investisseurs sont contents, c'est le principal. C'est d'ailleurs plus que, on pourrait dire, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une annonce de licenciement, mais c'est pire que ça, c'est que chaque jour, il y a plusieurs annonces de boîtes qui licencient et des boîtes qui ont pignon sur rue et qui sont assez costaudes. Dans le cas de Yahoo, c'est assez dingue, je voyais l'autre jour qu'il y avait des offres d'emploi autour d'une nouvelle version d'un moteur de recherche Yahoo. J'ai peine à penser qu'ils puissent rattraper leur retard sur ce domaine, mais bon, on peut leur souhaiter bien du courage. Surtout avec les chatbots qui arrivent. Là, c'est ça, on est en train de passer à une nouvelle ère de la recherche et voudrait déjà se mettre à la page de l'ère passée, c'est pas gagné. L'ère passée, c'était aussi du côté de Twitter. Il y a une nouvelle ère qui s'est ouverte depuis le rachat d'Elon Musk. Où est-ce qu'on en est de la santé financière de Twitter, justement, Guillaume? Il n'est pas encore en faillite, hein, puisque 300 millions d'intérêts ont été remboursés. Il n'est pas encore en faillite. Par la boîte fin janvier, ils ont remboursé leur première traite, on va dire, de 300 millions. C'est un groupe de 7 banques, dont Morgan Stanley, qui se retrouve coincé donc avec les 13 milliards de dettes de Twitter. Alors coincé parce que, vu les performances de l'entreprise, elles n'ont pas beaucoup d'espoir de la revendre à quiconque, hein. Alors remarque, 300 millions d'intérêts sur 1,5 milliard annuel à rembourser, ça pourrait être un bon plan, je veux dire, quand t'es la banque, tu vois. Mais bon, ça, c'est si la boîte est solvable. Et c'est franchement pas gagné, parce que Twitter Blue n'est pas un succès retentissant. Alors, il a beaucoup occupé la une des médias, nous compris, bien sûr, mais tout compte fait, il y a moins de 300 000 personnes dans le monde qui ont, pour l'instant, souscrit au badge à 5 dollars par mois. Donc, aux US, c'est même 0,2% des utilisateurs, tout à fait, ça fait pas énorme, hein. Et puis donc ça fait du coup quelques dizaines de millions de dollars par an, et c'est pas avec ça que Twitter va se maintenir à flot. Donc Musk a l'espoir que les entreprises paieront beaucoup plus pour avoir des badges business, voilà, il voit déjà des badges gold à 1000 dollars par mois, à destination des grosses boîtes hein, qui veulent de la visibilité. Il veut monétiser aussi l'accès à l'API, ce qui est plutôt impopulaire, hein, c'est un euphémisme. Et quand on sait qu'en plus Twitter est poursuivi par, je sais pas, une bonne demi-douzaine de gens en justice, pour défaut de paiement de ses loyers, par exemple, et qui pourrait aussi avoir des pénalités du Trésor anglais pour ne pas avoir rempli ses déclarations de revenus. Attends, je schématise, mais bon, c'est un peu ça. Ben, ça fait quand même un petit peu peur. Mais finalement, ce qui fait le plus peur de très loin, ben, c'est l'état actuel de la boîte, si on en croit le témoignage d'employés qui a été relayé par le site The Verge. Récemment, Musk était mécontent, d'ailleurs, par exemple, de son reach sur Twitter. Il se plaignait qu'il avait qu'un nombre d'impressions limité, malgré un nombre de followers délirants qui tape dans les 100 millions. Alors, le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où c'est vu. Hein, tu me corriges si c'est... mais voilà, c'est le nombre de fois où, effectivement, ça s'affiche. Quoi. Par exemple, pour les pubs, c'est le nombre de fois où ça s'affiche. Voilà. Donc, il a convoqué donc, deux des pauvres principaux ingénieurs qui restent dans cette boîte déchiquetée par les licenciements de masse dans son bureau. Ils avaient trouvé aucun problème hein, qui faisait que l'algorithme aurait pu artificiellement réduire sa visibilité, tout ça. Et donc, il y en a un qui a hasardé que bah, peut-être l'intérêt du public pour la saga Twitter était en train de faiblir. Et il s'est fait méchamment virer. Mais méchamment. Hein. Et bon, depuis que Twitter affiche le nombre de vues pour chaque tweet, bah, on peut constater à quel point, finalement, il n'y a pas une corrélation, d'ailleurs, grosse entre le nombre de followers que tu as et l'engagement provoqué par les tweets. À l'origine, Musk voulait mettre en évidence les utilisateurs silencieux comme ça, c'est-à-dire ceux qui lisent mais qui ne tweetent pas. Et en fait, l'effet n'est pas clair du tout, et l'usage de Twitter d'ailleurs aurait par ailleurs baissé de 9% aux États-Unis. La place prise en plus par ce nouveau chiffre, empiète en plus sur l'espace qui était dévolu au bouton retweet et like, ce qui pourrait avoir une influence sur leur usage, parce que voilà, ça pourrait être moins simple, moins ergonomique, et donc potentiellement ça pourrait même avoir une influence sur l'engagement moyen, c'est un comble. Bon, le problème principal, c'est que bah, ça y est, Twitter commence à avoir des problèmes techniques réguliers, comme on pouvait le craindre, vu comment il a été désossé. Donc il y a des coupures, des bugs, il y a des changements constants sur les algos, sur les règles de modération. Le département de lutte contre la pédopornographie ne relaye que 2% des détections qu'il fait à la police. Il met plus de temps d'ailleurs à suspendre les comptes. Tout ça est simplement révélateur d'une boîte qui est en mode survie hein, depuis des semaines. Et par survie, c'est même pas Koh-Lanta, tu vois. C'est plus du côté de Mike Horn que de Denis Brognard, là, vraiment. Les employés témoignent anonymement, mais les lettres de licenciement, parce que voilà, les lettres de licenciement volent bas, hein, donc ils préfèrent rester anonymes, mais ils dépeignent une situation apocalyptique, où ils font principalement trois choses, tu sais, éteindre des incendies à droite à gauche, parce que plus personne ne sait comment s'occuper des trucs, on a viré les gens, plus personne ne sait comment s'occuper des trucs qui restent, s'atteler à satisfaire les demandes impossibles de Musk et améliorer l'efficacité. De ça, et puis voilà, tu te démerdes, il faut améliorer l'efficacité. Bon, tout le monde doit obéir aux caprices de Musk, même quand ils viennent de tweets qu'il a envoyés comme ça random à 2h du matin. Le gars, parfois, est aussi clair qu'un mini-coin au fin d'Octoberfest, tu vois, mais il faut quand même le faire. Donc, tout le monde a peur de lui, Musk est persuadé d'être plus intelligent que tout le monde sur tous les sujets, et il envoie se faire foutre les institutions. Traduction littérale, hein. C'est « fuck the FTC », je crois qu'il a dit un truc comme ça. Bon. Personne n'ose le contrarier, hein, frontalement, comme Poutine un petit peu d'ailleurs, on voit bien à quoi ça l'a mené. Donc voilà, il y a un nombre alarmant d'employés qui dorment sur place. À San Francisco, le 8e étage est rempli de lits qui sont tous occupés en semaine. Plus personne donc déconne, voire d'ailleurs communique hein, sur le Slack interne. Et finalement, le seul sujet de discussion qui reste, c'est « est-ce que t'as trouvé du boulot ailleurs ?» Et le problème, c'est que la mode, c'est pas vraiment aux embauches, tu vois, si vous avez bien suivi dans le secteur tech en ce moment. Mmh. Du coup, les gens restent parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Et puis les conditions de rémunération ne sont pas forcément aussi foisonnantes et aussi peut-être incitatives qu'elles ne pouvaient l'être il y a ça encore quelques mois. Effectivement, les temps sont durs. On continue un petit peu avec Twitter, Guillaume. Oui, Twitter a besoin de fric. Et donc, il ne fait pas la fine bouche quand on est dans la pub. Les annonceurs sont devenus un peu plus frileux et on les comprend. Putain, quand on constate que Nokia, Mailchimp, et Wall Street Journal ont vu leurs annonces apparaître sur des comptes néo-nazis et révisionnistes. Hein. Spécifiquement, L'association Media Matters, qui a constaté ça, l'a vu sur 5 comptes qui tous avaient le badge bleu Twitter Blue, bien sûr. Et loin d'être une erreur, d'ailleurs, ça pourrait être un nouveau normal, puisque les comptes hautement polarisants, on va dire, ont manifestement aussi un bon potentiel lucratif. Alors, si on se demandait pourquoi Musk avait fait une amnistie générale, voilà, et ramené sur Twitter des comptes conspirationnistes, suprémacistes, masculinistes, tout ce que tu veux, on a peut-être un début de réponse, parce que 10 des plus populaires dans cette catégorie-là, de ceux qui sont revenus, hein, donc comme celui d'Andrew Tate ou d'Andrew Anglin, ramèneraient 19 millions de dollars annuels en revenus publicitaires. Alors, comment ils ont fait pour savoir ça? Ben, en fait, c'est un calcul qui vient d'une statistique assez simple sur le nombre d'impressions des tweets de ces comptes sur une période de 47 jours, entre décembre et janvier. Donc, ils en ont compté 54 millions par jour, donc ça fait dans les 20 milliards d'impressions par an. Or, en moyenne, il y a une pub tous les 6,7 tweets. Et sachant qu'une pub Twitter, ben vous le saurez, c'est 6,46 pour 1000 impressions, et ben on arrive à 19 millions de B9 pour Twitter sur ces 10 comptes. 10 comptes controversés, hein, on va dire. Et c'est que 10 comptes. Après, bon, est-ce que ça va durer? C'est pas clair. Amazon s'est quand même vu mettre en vedette via Amazon Prime, là, chez Andrew Anglin. Andrew, c'est un mec charmant. C'est un mec qui écrit sur le Daily Stormer, qui est un site néo-nazi, antisémite et suprémaciste blanc. Il est par ailleurs un misogyne notoire qui fait débat, même chez les suprémacistes eux-mêmes. Bref, je sais pas si Amazon va apprécier longtemps d'être associé à ça. Après, ça peut lui faire des clients quand même, hein, je veux dire, des clients de qualité en plus. Du côté des régulateurs, ça gueule aussi. Hein. L'Europe a mis un carton jaune, je cite, à Twitter, d'après Reuters, pour sa légèreté dans le traitement de la désinformation. Donc il y a Thierry Breton qui allait carrément rencontrer Elon Musk, la chance, pour voir s'il avait bien compris l'histoire du DSA. Tu sais, le DSA qu'il faut respecter maintenant, hein, tout ça. Mmh. Parce qu'il a été voté l'an dernier, le DSA. Et entre autres, hein, il responsabilise les plateformes et les oblige à lutter contre la contrefaçon, la haine en ligne et les fake news. Et en particulier contre les campagnes de propagande, hein, pendant les crises ou les élections, ce genre de trucs. Il oblige aussi à la transparence dans les mesures qui sont prises. Et bon, dans l'état où est Twitter, bah, c'est un peu l'impression que ça donne, c'est que c'est comme demander de faire du jogging 2 fois par semaine à un cancéreux sous respirateur, quoi. Mais bon, il faut quand même qu'il s'y colle, quoi. Alors bien sûr, Musk a tweeté que les objectifs de Twitter et de l'Europe en la matière étaient totalement alignés, bien entendu. Mais écoute, on va voir. C'est fou parce que il y a des plusieurs personnes avec qui j'échange qui ne voient pas forcément Twitter disparaître, tu vois, même à court ou moyen terme. Et en fait, moi, quand je prends tout ça un petit peu bout à bout, je me dis, mais au bout d'un an, qu'est-ce qui reste de cette plateforme? Qu'est-ce qui pourra rester? Qu'est-ce qui va survivre? Qu'est-ce qui va tenir sur le plan de la régulation, sur le plan de la santé financière, sur le plan technique? Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'inconnus. Et bon, après, est-ce qu'il va y avoir autre chose à la place? Ben, je ne sais pas. Et s'il y a absolument besoin de quelque chose à la place, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça rend des vrais services, sera une vraie attente. Beaucoup de questions qu'on va continuer à suivre. Tu voulais nous parler un petit peu de ce qui s'est passé d'ailleurs en Turquie, Guillaume, par rapport à Twitter. Ouais, tu parles justement de l'utilité de Twitter, de son importance. Bah, là, on l'a vu, hein, puisque bon, il y a eu effectivement cet énorme tremblement de terre en Turquie et en Syrie. On en est à 35 000 morts. C'est dramatique, hein, et ça a été l'occasion de voir aussi une énième coupure de Twitter le mercredi même. Et pourtant, dans un moment comme ça, Twitter peut sauver des vies. En fait, il a même certainement sauvé plein, d'ailleurs. Les gens s'en servent pour envoyer leur position, leur situation, leur besoin d'aide. Et dans ces moments critiques, on perçoit bien à quel point un outil comme Twitter peut être important et bénéfique. Et d'ailleurs, à l'occurrence, il a été impossible de l'utiliser une partie de la matinée, alors que les autres services en ligne n'étaient pas affectés. Donc il est légitime de se demander si c'était pas encore une énième tentative d'Erdogan de limiter la propagation du mécontentement de la population, parce que chaque fois en cas de crise majeure, ben évidemment les gens ne sont pas contents, ouais. Ils le disent sur Twitter, et donc ils coupent Twitter. Bon voilà, il y a eu un précédent, hein, pas plus loin qu'en novembre. Et même dans ce moment de pure tragédie, il aurait parfaitement pu penser à se protéger lui-même avant de se soucier des gens sous les décombres. Ça, c'est, y a pas de problème. De toute façon, Erdogan a la main sur tous les médias. Les VPN y sont quasiment interdits et Twitter, ça reste une épine dans son pied. Et les gens se tournent d'ailleurs quand il est coupé vers Telegram ou WhatsApp. Ce qui pose d'autres problèmes, hein, parce que c'est des plateformes qui sont encore plus opaques où tout et n'importe quoi circule sans qu'on le sache. Donc Elon a en partie raison en réalité. Twitter peut être utile et important. C'est pas faux ça. Mais c'est dommage, du coup, qu'il lui ait tiré une balle dans chaque genou, tu vois, et une dans chaque coude aussi. Du reste, bon, l'aspect centralisé de Twitter est aussi une faiblesse quand même, hein, parce qu'on voit bien que c'est facile à couper. Ben oui. Et c'est vrai que Mastodon le serait moins, du coup, on perçoit aussi cette, tu vois, c'est une complexité supplémentaire, la décentralisation de Mastodon, mais c'est aussi une force. Et donc, si on fait un petit moment Mastodon, on peut se demander comment va l'animal. Et grosso modo, ben, il se maintient, tu vois. Donc, on sait qu'il a facilement doublé son nombre d'utilisateurs en moins de 2 ans. Et je vois passer des titres parfois qui disent peu ou prou, la hausse de Mastodon ne dure pas, ce genre de truc. Oui, c'est très souvent, en fait, d'ailleurs, ces 15 derniers jours en particulier, j'ai l'impression, je sais pas, il y a beaucoup de journalistes qui se sont coordonnés pour montrer à quel point Mastodon, non, c'était pas l'Eldorado qui était annoncé. Il me semble pas d'ailleurs qu'il s'est été annoncé comme étant un Eldorado, hein, d'ailleurs. C'est une alternative qui peut croître, mais ça n'a pas été une fuite massive des utilisateurs Twitter vers Mastodon. On en est très loin. Il y a eu clairement un report d'un grand nombre d'utilisateurs quand même. Et si on en croit les chiffres de la fédération, donc les chiffres officiels, en fait, non, il n'y a pas de... La hausse ne dure pas. Cette hausse, elle se maintient. Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en novembre, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a grimpé en flèche et il est un peu redescendu depuis. Mais on parle d'une stabilisation autour des 3 millions de personnes contre 4 quand on était au plus haut, sachant que c'était moins de 500 000 il y a 6 mois. Donc le nombre de posts aussi est en croissance régulière pour l'instant. En fait, tout semble stable. Donc ça pourra évoluer au gré d'un exode lors de la prochaine bourde de masques. Hein. Mais pour l'instant, Mastodon a beaucoup grossi et conserve à peu près la masse qu'il a acquise. Donc en fait, oui, il y a eu un pic à 4 et là, maintenant, on est à 3. Donc les gens se disent « Ah, ça dégage ». Mais en fait, à 3, on est relativement stable. Donc ça veut dire qu'il y a une partie des gens à qui ça n'a pas convenu, c'est certain, mais il y en a aussi une partie qui reste. Et d'ailleurs, c'est pas forcément de tout repos pour les administrateurs des instances. Parce que pendant très longtemps, Mastodon, c'était niche, donc c'était pépère. On était entre soi. Mais bon, quand tu passes de 2000 à 40 000 utilisateurs, ça n'a plus rien à voir. Tu vois, ton hobby, ça devient un boulot à plein temps. Tu commences à voir les problématiques d'un vrai réseau social. Les gens se trollent entre eux, ils se tapent, ils postent des horreurs, tu dois courir après. Bon, sans compter que les frais de serveur explosent. Parce que ce que tu peux limite gérer sur ton ancien PC bureautique recyclé, là, au fond de ta chambre, tu peux éventuellement, tu sais, quand t'as quelques dizaines de personnes, quelques centaines de personnes, mais ça passe plus du tout quand t'as 20, 30 fois, 100 fois plus de monde. Créer une instance Mastodon, c'est pas forcément de tout repos. Donc si ça vous tente, ben, lancez-vous, c'est très sympa, mais c'est pas forcément... Ça peut être un truc compliqué. Mais... Justement, si ça vous tente, il y a Cloudflare qui a lancé un projet qui s'appelle Wildbeast et qui vous donne clé en main une instance Mastodon hébergée dans leur cloud que tu peux customiser et déployer. Donc en fonction du trafic, ça ne sera pas forcément gratuit, hein, parce que tu peux tout tester pour 0€. Après, évidemment, si tu commences à avoir beaucoup de trafic, et puis si tu es amené à penser à faire un truc plus pro, hein, avec des systèmes de sauvegarde, etc., bon, faudra payer, hein, bon, c'est sûr. Mais bon, ça peut être sympa de se lancer. Ouais, mais enfin, ça a forcément un coût de faire un serveur Mastodon. Donc après tout, si tu as cette première étape de gratuité avec la validation du dispositif et qui te permet de tester les choses par étapes, c'est une chouette solution. Tu fais pas un serveur pour 50 000 personnes gratos, hein, ça c'est. Eh ben voilà, c'est ça, c'est l'éternel sujet. Et au passage, hein, je redis à quel point le fait d'avoir un client qui soit un peu agréable aussi, et notamment c'est le cas de pour moi Ivory sur iOS, qui est développé par ceux qui avaient fait Tweetbot, et bah franchement le fait d'avoir un client qui soit un peu ergonomique et un peu bien pensé, c'est aussi très sympa, et moi ça m'encourage à continuer. Et je reste marqué par ce que j'attribue, ne m'en voulez pas, hein, si vous avez cette opinion là, mais une forme de paresse intellectuelle qui consiste à dire Mastodon c'est compliqué. Je suis désolé, j'affirme un peu le sujet, mais je trouve pas que Mastodon soit compliqué. Et alors oui, effectivement, si tu compares avec la création d'un compte Twitter, bah forcément, on est dans une démarche un petit peu plus engagée. De là à dire que ce soit compliqué, bon, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu compliqué d'arriver à cette conclusion, mais bon. On continue, Guillaume, après les actions d'Elon Musk en faveur de Twitter, on parle un petit peu de son autre lubie de connexion du cerveau avec Neuralink. Ouais, décidément, le management à la Musk fait des merveilles, hein, puisque Neuralink est aussi épinglé pour une gestion assez cavalière de pathogènes super dangereux. Rien que ça. Alors déjà que la boîte est sous le coup d'une enquête pour mauvais traitement sur les animaux, voilà que maintenant elle est accusée d'avoir retiré à la va-vite des implants de singes décédés. Bon appétit. Bon, faut aller vite, voilà, faut être efficace, t'as vu chez Twitter, faut aller vite, quitte à se planter et à opérer le mauvais bouton, apparemment. Voilà, là, sur l'implant retiré, il y avait, je cite, tout un ensemble de pathogènes, dont, attention à Grobassie, un staphylococcus et une klebsilla. Alors, je pense que c'est une fille à klebsilla à la fin. En fait, c'est deux bactéries qui filent des trucs dégueulasses, comme des pneumonies, des infections, des méningites, etc. Et ils ont aussi repéré un virus de l'herpès et une cornibacterium ulcérans, qui est la cause d'une maladie courante chez le singe, mais qui peut provoquer une diphtérie. Donc, heureux, bon appétit. Et voilà, qu'on ait retrouvé tous ces petits micro-organismes adorables sur des outils de laboratoire, du matériel de recherche expérimentale, tout ça, là, c'est pas très normal. Selon le comité des médecins pour une médecine responsable, c'est aussi eux derrière la plainte contre la maltraitance animale. des implants n'auraient pas été correctement nettoyés, ils auraient été transportés tels quels dans des boîtes ouvertes, alors que normalement t'as des trucs avec plusieurs couches et tout, enfin bon, le personnel formé au Lanspire. Bon, en gros, ils accusent Neuralink de faire leurs expériences comme des gros cochons, qui risquent de filer la ch'touille à tout le monde, donc ça donne pas vraiment confiance pour les prochains tests de Neuralink à venir sur l'être humain, qui, je le rappelle, si la FDA l'autorise, auront lieu cette année. Ouais, c'est pas forcément sûr que ça se valide aussi vite que prévu. Le temps sera peut-être un petit peu plus long pour les validations avec ces infos-là, on l'espère en tout cas. On espère pas que ce sera plus long, on espère juste que ce sera plus rigoureux, en fait. Bon. Que ce soit plus propre. Que ce soit plus propre, exactement. Ah, on continue dans le domaine des biotechnologies, avec Guillaume, toutes les préparations possibles pour avoir les meilleurs résultats dans les études et du coup dans ton avenir professionnel, ça pourrait commencer très très tôt, hein. Il n'est jamais trop tôt pour penser à son succès plus tard, mais Guillaume. Et si tu devais avoir encore un enfant, Guillaume, oui je sais, c'est de la science-fiction, un enfant. Non. Imaginons, fais un effort, imaginons que tu aies recours à une FIV en plus et qu'on te propose de savoir par test génétique lequel des embryons disponibles a le plus de chances de devenir un brillant universitaire et lequel a une chance de devenir un platiste. Est-ce que tu ferais la sélection? Ah oui, en plus, la sélection n'est pas du tout clivante. Forcément, je vais aller vers le platiste. Comme ça, j'aurai beaucoup plus d'énergie à mettre pour pouvoir converser avec lui et le convaincre. Non, évidemment, je vais prendre celui qui a le plus de chances de me satisfaire au niveau de ses succès. Mais ferais-tu une sélection? Ou est-ce que tu voudrais ne pas savoir? Ah, idéalement, je pense que compte tenu de tous les enjeux éthiques que ça représente, je voudrais ne pas savoir. Mais si jamais j'étais tout seul, que ça ne serait pas et qu'il n'y aurait pas de reproductibilité, etc., évidemment que je préférerais l'enfant qui est le mieux portant, évidemment. Eh ben oui, bien entendu. Ben figure-toi que 40% des Américains sondés sont tout à fait prêts à faire le test et à virer les embryons médiocres pour ne garder que celui avec un super QI potentiel. Bienvenue à Gattaca, donc, hein, ni plus ni moins. Donc, alors pour l'instant, les seuls tests à être vraiment disponibles concernent des maladies génétiques ou alors des probabilités de développer des diabètes ou des schizophrénies. C'est le cas, par exemple, chez Genomic Prediction. Mais même pour ça, les tests génétiques prédictifs sur les embryons ne sont pas vraiment neutres, hein, éthiquement parlant, surtout qu'on parle de maladies qui pourraient arriver bien plus tard dans la vie, hein, dans 50 ou 60 ans, un horizon très lointain qui complique beaucoup la tâche de validation finalement des processus. Mesurer la fiabilité des tests n'est pas si simple. Et bien sûr, pour tout amateur de dystopie de science-fiction, je veux dire, ça sera évident, mais ça peut bien entendu devenir facilement la racine d'inégalités encore plus criantes dans la société, n'est-ce pas? Puisque... Oh là là. Seuls les plus riches ont accès à ces tests, hein, dans les pays riches et encore ceux qui sont à l'aise. Et ce sont eux, les plus riches, qui vont sélectionner les rejetons en meilleure santé, les plus intelligents, les plus beaux, hein, pourquoi pas. Et on se retrouve avec un système de classe sociale, voire de caste, carrément, par sélection génétique. Les enfants les plus favorisés matériellement sont aussi ceux qui ont le plus haut QI génétiquement, qui sont le plus favorisés génétiquement. Ils seraient donc en meilleure santé, ils occuperaient des meilleurs boulots, puisqu'ils seraient plus intelligents. Et puis en plus, ils s'en laissent financièrement, donc ils peuvent payer les études. Et donc, ils vivraient plus vieux, bien sûr, pour que l'injustice soit complètement maximale et balaye bien tout le spectre possible des injustices. Et pourtant, le grand public semble tout à fait prêt à un tel futur. 40% seraient prêts à sélectionner les meilleurs embryons, 28% seraient carrément prêts à éditer les embryons pour les rendre meilleurs, si c'est sans danger. Alors, l'édition génétique, c'est même pas encore envisageable en fait, mais c'est déjà quasi accepté par plus d'un quart des répondants. Donc l'eugénisme est en train de devenir mainstream sous nos yeux, et c'est assez fascinant. En tout cas, quand ça sera possible, parce que le dernier rempart finalement, c'est la compétence ou non de la science à être à la hauteur de ses ambitions. Pas gagné. Concernant l'intelligence, il y a déjà des études. Hein. Il y a déjà des études qui essaient de faire le lien entre génétique et comportement, ou ensemble de caractéristiques comme l'orientation sexuelle et l'intelligence. Donc il y a déjà des études qui sont éthiquement délicates, hein, qui sont faites hein, de manière purement statistique. En ce qui concerne l'intelligence... L'an dernier, il y a un rapport sur les différences génétiques de 3 millions de personnes qui a établi des corrélations avec les parcours scolaires. Donc selon eux, un gamin qui naît a 3% de chance d'aller dans une université réputée. Hors tout, 3% de chance. En prenant les 10 meilleurs embryons, la probabilité passe à 5%. Donc c'est loin d'être une certitude. Mais qui refuserait ce petit bonus? D'ailleurs... Au passage, on peut être surpris par l'ampleur de l'effet génétique, parce que tu passes quand même de 3 à 5%, c'est plus de 50% de hausse, parce que 60% de hausse en relatif, c'est énorme. Alors tout ça, ça reste à confirmer, puis il faut aussi valider que la sélection ne favoriserait pas d'autres traits délétères, mais voilà, c'est quand même incroyable. Et à la fin de l'article, l'auteur rappelle que dans les années 70, la fécondation in vitro elle-même était mal perçue. Souviens-toi de ce qu'on appelait les bébés éprouvettes. Ça faisait pas vraiment envie, ça faisait pas du tout l'unanimité, c'était vu comme un abus de la science par beaucoup de gens. Aujourd'hui, il y a pratiquement personne qui trouve à y redire, quoi. Les fives, c'est devenu un truc normal. Est-ce que la sélection, voire un jour l'édition d'embryon, deviendra aussi banale qu'une fives? Tu vois, l'éthique elle-même va-t-elle changer, évoluer, s'adapter? Bah, voir, ça sera intéressant les prochaines décennies. Hein. C'est marrant de voir que y a cette espèce d'opposition entre le choix qu'on pourrait faire à titre personnel et la manière dont tu m'apportes tes questions, évidemment révélateur, le choix dont on va pouvoir se questionner à titre individuel et quelle réponse on voudrait donner à l'échelle de la société. C'est encore un de ces sujets dans lequel il y a une dualité comme ça dans nos réponses qui est assez intéressant et qui évidemment est le cœur du problème. On revient, Guillaume, un petit peu dans nos intelligences artificielles, hein, dans nos programmes qui arrivent à manipuler l'image de manière aussi convaincante, avec l'application dans le domaine du cinéma et peut-être bien demain la possibilité d'avoir... Alors, on parlait déjà, il y a de ça quelques épisodes maintenant, des acteurs morts mais qui jouaient dans des films et des séries, mais on est maintenant en train d'assister à l'arrivée des acteurs plus jeunes qu'ils ne sont réellement. Bah, est-ce que tu as vu la bande-annonce d'Indiana Jones 5 ? Mais pas du tout, je ne l'ai pas vu. Et je me suis dit justement en voyant l'article et l'éveil qu'il faudrait que j'aille regarder la bande-annonce et je n'y suis pas encore allé. Bon, perso, j'aime bien la franchise, hein. Indiana Jones, j'étais fan. J'aimais pas trop jeune. Le crâne de cristal, moi, perso. Je ne sais pas si grand monde l'a aimé. J'ai pas à ce point détesté. Bon, c'est clairement pas le meilleur, on va pas le... Mais limite, je me dis, bon, bref, écoute... Mais bon, quand j'étais jeune, j'aimais la licence. J'aime beaucoup, ouais, j'aimais. Non, mais quand j'étais jeune, j'aimais vraiment beaucoup la licence. Aussi, et encore aujourd'hui, hein, c'est quand même pas banal de voir un héros de film d'action qui soit aussi prof de fac. C'est quand même c'est sympa. C'est vrai. Eh ben oui, quand même. Donc, le cinquième et dernier, hein, qu'ils disent, promis, c'est le dernier, c'est ce qu'ils disent maintenant, ouais. En tout cas. Donc, ce cinquième film s'intitule Indiana Jones et le cadran de la destinée, voilà, rien que ça. Et ça nous propose encore et toujours Harrison Ford dans le rôle titre. Et Harrison Ford, il a 80 ans. Et ça me file un sacré coup, mais il a 80 ans. Alors Joe Biden aussi, donc je sais pas, c'est vraiment un gros souci. Tu vois, la retraite aux États-Unis, c'est un gros souci quand même. Les mecs, ils bossent toujours quand même, c'est 80 ans. Ils partent plus, hein, les vieux, ils partent plus. Bon, enfin, en tout cas, comme le titre, ben, c'est le cadran de la destinée, et c'est pas le jardin de l'EHPAD, on se doute qu'il y a un max d'effets spéciaux, parce que Indiana Jones, il est jamais à l'écran aussi vieux qu'en nature. Dans certaines scènes, il est même carrément trentenaire. Comme à la grande époque. L'époque où, tu sais, on arrachait les cœurs en criant Kalima, bon. En soi, il n'y a rien de bien nouveau dans tout ça, parce qu'évidemment, il y a eu Jamie Lee Man avant, où il y a Will Smith, hein, qui se confronte à lui-même en Prince de Bel-Air. Il y a Benjamin Button, bien entendu, Brad Pitt, hein, qui a tous les âges de la vie, lui, carrément. Puis il y a eu The Irishman, où tout le monde est en 3D, et ça se voit un petit peu trop. Voilà. Enfin, en tout cas, ce qui évolue, c'est l'adoption des outils avec du deep learning, qui rend tout ça encore plus simple, plus rapide et beaucoup plus flexible. Alors, pour Indiana Jones, c'est Metaphysic AI, qui fait ni plus ni moins que du deepfake, mais du deepfake professionnel, voilà, au niveau une qualité cinéma. Et ils se sont déjà occupés de rajeunir d'autres stars, hein, comme Robin Wright et Tom Hanks. Alors, pour Indiana Jones, c'est d'un plus, ils ont eu accès à une belle quantité de métrages, hein, d'Harrison Ford, ça, voilà, dans ses meilleures années. Des films, mais aussi des rushs exclusifs, des trucs que nous, voilà, tous les rushs qu'ils ont tournés, tout ça directement fourni par les studios. Donc de quoi faire autant de deepfakes photoréalistes d'Harrison Ford que souhaité. Et en fait, la technique est tellement flexible, tellement plus flexible que les anciennes, alors parce que les anciennes, en fait, c'était des masques 3D minutieusement recréés par des artistes, c'était un truc de fou. Là, elle peut carrément être utilisée en temps réel, en direct, sur un plateau télé. D'ailleurs, il y a une émission d'America's Got Talent, où il y a un sosie d'Elvis, Elvis Presley, qui chantait sur scène pendant que le vrai Elvis, en tout cas un deepfake quasi parfait d'Elvis, a été projeté sur un écran géant juste au-dessus de lui. C'est absolument bluffant. Il y avait une autre prestation aussi d'un faux Simon Cowell qui était vraiment bluffante. Alors, vous l'avez remarqué d'ailleurs, j'ai cité pas mal de noms déjà. J'ai cité Tom Hanks, Will Smith, Robin Wright, Robert De Niro. Le rajeunissement des acteurs, c'est pas du tout une nouveauté, ça se banalise en fait complètement. Et avec les algos de récents de clonage de la voix, ben, tous les éléments sont en place pour que les acteurs deviennent des marques. Des marques comme Mickey Mouse. Voilà. Harrison Ford, c'est un Mickey Mouse. Harrison Ford pourrait très bien continuer de tourner à 90 ans, pourrait très bien continuer de tourner dans 20, 30, 40 ans. Enfin, sa marque pourrait continuer d'apparaître. Ouais. Donc voilà, lui, il regarderait ça à l'EHPAD à peinard, hein, 90 ans, puis après, bah, c'est sa famille qui prendrait le relais, j'imagine. Mais voilà, ça ouvre la porte à des acteurs éternels. La voix et l'apparence d'Harrison Ford pourraient devenir des licences, et il deviendrait un personnage de film, de série, de jeux vidéo, comme Leon Kennedy, ou Gerald de Rive, ou Peppa Pig, je sais pas, c'est... Alors perso, le pire, c'est que j'aime bien Harrison Ford. Moi, ça me ferait même plaisir de le revoir dans un film avec le physique qu'il avait dans The Witness, tu vois. J'avoue que je trouve ça cool. Évidemment, c'est une idole de ma jeunesse, Harrison Ford. Je préfère le voir en forme qu'en déambulateur, tu vois. Et en plus, ça me prouve que moi non plus, je suis pas si vieux, au passage, tu vois, parce que si je vois Harrison Ford en déambulateur, ça file un coup. Mais le souci est évident. Quelle place on laisse aux jeunes acteurs? Qu'est-ce que ça dit de notre société si on recycle à l'infini les mêmes personnes et les mêmes images? Tu vois, Harrison Ford sera-t-il un perso jouable dans GTA 7 ou GTA 8 ou le prochain Cyberpunk? Que de questions. Ouais, je rêve même peut-être, pourquoi pas, hein, d'un retour vers le futur 4, moi de mon côté, mais t'as raison. Là encore, on est dans cette dualité entre ce qu'on aimerait à titre individuel et ce que ça dit de notre société. On vous laissera méditer sur le sujet. On continue avec la pop culture, quelque part, et les contenus qui nous sont mis à disposition sur ces belles plateformes, Guillaume, et sur la manière de nous les construire. Et oui, Netflix Japan a sorti un court-métrage de 3 minutes qui par là, hein, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui découvre un chien robot. Ça s'appelle The Dog and the Boy, et franchement, c'est ultra mignon, même s'il y a la guerre, et que tout est détruit, et que tout le monde meurt, enfin presque. Bon, c'est mignon et c'est atroce, hein, comme souvent les animés japonais en fait. Mais c'est pas comme le propos. Souvent ce que tu aimes dans les animés japonais. C'est exactement ça. Ce petit truc a fait énormément de bruit parce que Netflix a utilisé des IA génératives pour créer tous les arrière-plans. Donc c'est l'IA de Rina, un Stable Diffusion fine-tuné pour l'animation japonaise. Pour le japonais, enfin c'est vraiment un truc. Je crois qu'ils ont pris Stable Diffusion et qu'ils ont utilisé 100 000 images. Donc d'animés japonais, mais aussi de trucs folkloriques japonais pour faire vraiment un Stable Diffusion japonais. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dessiné, donc c'est des artistes, des vrais artistes en gros, qui ont dessiné à la va-vite, hein, des croquis pour les arrière-plans, et après ils ont donné ça à l'IA qui en a fait des trucs beaux, et ensuite ils ont retouché pour que ça colle. Donc en gros, ils ont donné une cohérence à tout ça, mais tout de même... Bah, ça a été très vite, parce que Rina, ouais, vient officiellement de remplacer un illustrateur professionnel dans une énorme boîte qui s'appelle Netflix, quand même. Donc il y a eu un backlash immédiat, bien sûr. De son côté, Netflix se dit fier, carrément, hein, de ce projet qui contribue, il l'espère, à améliorer et rendre plus flexible le travail dans le domaine de l'animation du futur. Je cite, hein. Ryotaro de Makihara a dirigé le court-métrage, lui, et défend évidemment son usage des outils de Rina par des arguments classiques. Ça a libéré du temps, parce que les gens n'ont pas fait les arrière-plans ou pas trop, quoi, donc ça a libéré du temps pour se concentrer sur le reste. À se concentrer sur seul ce que les humains peuvent faire. Donc voilà, les animations, l'histoire, etc. Bon, pour l'instant. Le problème, c'est que le boulot d'animateur et celui d'illustrateur d'arrière-plan, c'est que... Donc ceux qui font le mind painting, en fait, hein, c'est pas exactement le même. Et c'est aussi important que ça soit, c'est aussi important que ça soit fait, tu vois, de bien quand même, parce que pour la direction artistique, pour le récit, les arrière-plans sont extrêmement importants. Et pourtant, les artistes qui font ça sont déjà considérés comme faiblement créatifs, comme des artistes secondaires souvent. Concrètement, si tout le monde utilise Rina, ça va mettre 90% des illustrateurs spécialisés au chômage. La plupart des studios seront très contents, mais ça va rendre encore pire une situation qui est déjà très loin d'être idéale, parce que le monde du manga, le monde de l'animation, c'est déjà très dur. Le travail est très très intense, pendant de très longues heures, la paye elle est faiblarde, et le boulot est de plus en plus précaire. Donc il n'est pas évident d'être super optimiste, en tout cas dans un premier temps, quant à l'impact positif de l'IA sur le secteur. Parce que oui, c'est un outil qui peut libérer du temps, compenser une pénurie de main-d'œuvre, ou rendre possible des œuvres qui n'auraient pas eu le budget pour voir le jour. Mais c'est aussi clairement un outil pour les grosses boîtes pour réduire les coûts et accroître les marges. Il y a clairement un facteur éthique dans tout ça, hein. Ou éthique professionnelle, enfin l'éthique du métier, mais l'éthique, ça risque malheureusement de ne pas peser bien lourd quand on voit le zèle avec lequel les boîtes réagissent, hein, pour virer les gens et faire remonter leur action. Voilà, donc les inquiétudes et le combat des artistes sont légitimes, alors les IA seront utilisées forcément de ces deux manières-là à la fois, hein, mais bon, un jour on devra faire le bilan, et je sais pas, on espère un bénéfice net, quoi. Ouais, bon, c'est pas évident, hein, d'en avoir un sentiment positif forcément, mais c'est une observation des évolutions technologiques. J'ai l'impression, hein, que l'histoire se répète quand même sur les avancées industrielles, et je suis pas certain qu'on puisse mettre... beaucoup de recul là-dedans. Je suis pas certain qu'on puisse vraiment freiner les choses. J'ai l'impression qu'on assiste à un mouvement assez fort et qu'on pourra pas faire grand-chose pour que ça change. Après, de là, effectivement, peut-être le truc que je retiens qui est le plus gênant, quelque part, c'est la fierté qu'affiche Netflix sur le sujet. De là à afficher une fierté là-dessus, c'est peut-être plus compliqué. Mais bon, écoute... Comme on peut tout optimiser, Guillaume, est-ce que il n'y a pas des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, mais qu'on pourrait revoir, notamment le dessin assisté par intelligence artificielle des composants? Est-ce qu'on pourrait imaginer demain une chronique des composants qui mettrait en lumière tout ce que l'intelligence artificielle a pu apporter dans ce domaine? Mais n'attendons pas demain, puisque les algorithmes de deep learning se démocratisent déjà chez les fabricants de puces. Il y a STMicroelectronics et SK Hynix qui ont utilisé des outils de Synopsys, par exemple, qui est spécialisé dans l'optimisation du design. Donc une puce, effectivement, c'est un circuit qui est ultra compliqué, hein, qui est constitué d'une myriade de composants, d'unités différentes. Et il y a souvent beaucoup de façons de les disposer, finalement, pour arriver au même résultat fonctionnel. Sauf que certaines sont plus efficaces, certaines prennent moins de surface, ou consomment un petit peu moins d'énergie, etc. Et tester tout de manière complètement systématique, bah c'est un peu comme au Go, c'est pas gérable. Tu vois, si tu lances dedans, il y a une explosion combinatoire comme ça, surtout que tu dois optimiser selon trois facteurs en général. La consommation, la performance et la surface. C'est ce qu'on appelle le PPA souvent, c'est la Power Performance Area. Et optimiser le PPA, c'est un peu comme jouer au Go, mais dans des conditions vraiment super particulières, quoi. Et on sait que les algos de deep learning arrivent à être très efficaces, finalement, pour deviner le meilleur design. Donc, ça va se généraliser parce que Nvidia, Google, Cadence, Samsung, voilà, tout le monde est sur le coup, en fait. Hein. Et là, Synopsys, c'est un autre acteur qui offre ses prestats. Donc, il a osé offrir à STMicroelectronics, par exemple, qui est une boîte franco-italienne, et qui a utilisé leur service cloud pour multiplier par 3 leur productivité et améliorer leur optimisation PPA. Alors, quand il dit ça, je pense pas qu'il veuille dire que ce soit 3 fois meilleur en termes de performance, quoi que ce soit, mais ça me paraît vraiment très gros. C'est plutôt qu'ils optimisent leurs puces 3 fois plus vite qu'avant. Et ils gagnent aussi plus qu'avant. C'est-à-dire en ayant des puces qui sont en général plus petites, par exemple 5% chez SK Hynix. Donc les IA sont partout, et même elles aident un petit peu à maintenir sur l'aspirateur la loi de Moore moribonde. C'est beau cette loi de Moore moribonde. J'aime bien cette formulation, ça pourrait presque faire un titre d'épisode, Guillaume. On continue justement avec dans le domaine des composants, Guillaume, avec AMD. Oui, on a les résultats financiers d'AMD, ben c'est pas mal du tout. Hein. Le chiffre d'affaires croît de 16%. Il licencie combien à AMD ? Eh bien écoute, je crois qu'il licencie pas. Écoute, j'ai pas souvenir. Faudra que je cherche, mais c'est pas souvenir d'avoir vu AMD. Tiens, il faudra que je cherche. En tous les cas, virtuellement, donc AMD ne fait pas de bénéfice ce trimestre. Enfin, ça fait 21 millions de dollars, c'est-à-dire une pouille, quoi. Mais il faut bien se souvenir qu'ils ont aussi racheté Xilinx l'an dernier. Donc ça peut jouer parce que bon voilà, c'était pas cadeau. Au moins ils postent pas de pertes hein, comme Intel, et puis il y a d'autres bonnes nouvelles quand même, puisque si la demande des PC reste faible, on le sait, celle sur les serveurs et les puces FPGA se maintient assez haute. Donc ces processeurs pour serveurs ont rapporté 3,1 milliards de dollars, et mieux encore hein, sur le secteur du processeur en général, AMD a atteint 30% de part de marché. C'est historique hein, ça résonne douloureusement avec les résultats en berne d'Intel évidemment. Donc, ils souffrent, hein, tout le monde souffre, mais AMD est quand même dans une bonne dynamique. Ils ont un chiffre d'affaires annuel de 23 milliards sur 2022, qui est quand même en hausse de 44%. Donc AMD prévoit une baisse de 10% le prochain trimestre, mais finalement les data centers, la FPGA, devraient tout de même continuer de très bien se vendre. Donc ils sont dans une bonne dynamique, et Intel, par contre, n'est pas du tout aussi optimiste. Alors justement, Intel, est-ce qu'on a des indications ? Ben Intel continue de se serrer la ceinture, hein, et puis surtout de serrer la ceinture de ses employés en fait, donc ceux qui restent. Voilà, ceux qui restent voient leur salaire baisser de manière notable, 5% et plus. Alors on a 10 à 15% chez les gros cadres. Pat Gelsinger lui-même met la main à la poche pas mal puisqu'il cède 25% de son salaire. Aucune augmentation pour personne, des bonus annulés, des cotisations retraite coupées en deux. Voilà. Même avec tout ça, Intel espère seulement limiter les dégâts et s'attend quand même à perdre de l'argent en 2023. Alors, si dans ce contexte, bon, ça semble logique, hein, évidemment, de couper un peu sur les salaires, ce qui l'est moins, c'est de continuer à verser toujours autant de dividendes, parce que les actionnaires ne sont pas impactés du tout, eux, par les mesures d'économie. C'est bizarre. Certains employés ont donc un petit peu le sentiment de payer les actionnaires de leur poche. Mais où vont-ils chercher ça, je me demande. Une manière étrange de motiver son équipage en période de gros temps, hein, parce que les plans pharaoniques à plusieurs dizaines de milliards hein, de dollars d'Intel semblent un peu lointains hein, dans ces conditions-là. Et d'ailleurs, il est en train de faire un petit peu de chantage à la subvention à l'Allemagne pour sa future hypothétique, hein, du coup, usine de Magdebourg. Pour faire venir Intel, on lui avait déjà promis 6,8 milliards d'euros de subvention. Et là, Intel en demande encore 3,2 de plus, soit 10 milliards payés de la poche des Allemands sur les 17 que va coûter l'usine. C'est quand même assez fort. Attends, tu vas voir. D'ici 6 mois, Intel va proposer à Lamont de le payer pour qu'il daigne construire son usine là. On est là-dessus. Hein. Je suis sûr qu'il va faire le coup partout. En plus, vous comprenez, inflation, tout ça, s'il vous plaît, monsieur, madame. Et hop, voilà, ça va bientôt être contribuable de compenser les pertes d'Intel, tu vois. Bon. Alors ok, je sais, c'est important de redynamiser, de reconstituer même le secteur industriel en Europe, tout ça, mais enfin bon, on va peut-être pas abuser, quoi. Parce que bon, ok, Intel fait des cartes graphiques pas chères, mais enfin, ça excuse pas tout. Hein. Bon, c'est vrai que là, ils se positionnent à $250 sur leur carte Arc A750. Ça fait une alternative intéressante à la RTX 3060, c'est vrai. D'autant que les drivers mûrissent, c'est pas mal. 250 balles, c'est bien, mais enfin bon, quand même, 3,2 milliards, faut pas déconner, quoi. Faut pas déconner. C'est assez incroyable cette course à la subvention, prêt peut-être à être payé pour s'installer durablement. C'est remarquable. On continue avec un autre domaine, celui de l'espace, Guillaume, avec Blue Origin. Blue Origin, donc c'est la boîte spatiale de Jeff Bezos, a sorti des résultats qui sont assez intéressants, qui n'ont pas forcément été beaucoup reliés. C'est intéressant pour les futures missions, voire les futures stations lunaires, puisqu'ils ont réussi à utiliser le rigolite pour créer tous les éléments d'un panneau solaire. Alors le rigolite, c'est quoi le rigolite ? C'est une pierre très marrante. Voilà, c'est ça, le rigolite, c'est une pierre très rigolote. Le rigolite, alors ça vient du grec qui veut dire couche et pierre, un truc comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on désigne la couche de crasse qui est sur le sol lunaire, globalement. C'est la poussière, voilà, qu'on y retrouve. Et donc ils ont dévoilé un procédé qu'ils appellent Blue Alchemist, qui utilise donc uniquement du matos local lunaire, hein, pour créer des panneaux solaires. Donc ça utilise en fait du rigolite et de l'énergie solaire. Donc ils ont fait ça en commençant par créer une simulation de rigolite sur Terre, hein, parce qu'il y en a, évidemment, il n'y en a pas, donc ils ont créé un truc qui est minéralogiquement identique à ce qu'on trouve sur la Lune. Donc ça ressemble à de la crasse, c'est vrai, mais en fait ce truc contient plein de bonnes choses. Ça contient de l'oxygène, du sodium, du magnésium, de l'alu, du silicium, du fer, etc. Et donc le but de Blue Origin, c'est d'extraire tous ces composés en chauffant. Donc ils chauffent la crasse lunaire très très fort, 1600 degrés. Mais c'est exactement ça. Hein. Et donc ils la fondent et après ils séparent les composants par électrolyse. Et apparemment, uniquement en utilisant de l'électricité, ben, ils ont réussi à avoir des métaux et du silicium, et même du silicium super pur, à 99,999%. Wow. Rien que ça. Donc c'est quand même une belle performance, parce que sur Terre, pour purifier du silicium, on utilise des produits chimiques dégueulasses. Et là, il suffit d'avoir de l'énergie, en fait. De là, imaginer avoir des procédures moins polluantes aussi sur Terre. Mais bon, pour résumer, ce qu'ils veulent faire, en fait, ce qu'ils arrivent à faire, c'est déjà avoir de l'alu, du silicium et aussi du verre. Et donc, en gros, toutes les composés, finalement, pour fabriquer un panneau solaire, tout ça en utilisant du rigolite et en libérant de l'oxygène. Oxygène qui pourrait d'ailleurs s'avérer utile, hein, par ailleurs, si tu le chopes pour le respirer, je sais pas, sur la Lune. Tout ce qu'il faut donc pour produire un panneau solaire se trouve in situ. Donc en amenant des panneaux solaires pour démarrer, on peut en construire d'autres, et à leur tour, bah, d'ailleurs, ils pourraient servir pour faire de l'énergie, pour en construire d'autres, et bon, finalement, l'idée, c'est que, bah, du coup, l'énergie n'est plus un problème sur la Lune, puisque tu dises du rigolite, je me suis eu moi-même, pour fabriquer des panneaux, bah, c'est bon, quoi, tu vois. Donc voilà, il reste, en gros, l'énergie n'est plus un problème. Évidemment, il en reste beaucoup, beaucoup d'autres, donc c'est pas gagné pour faire des stations sur la Lune. Mais bon, voilà, trouver des solutions pour utiliser les ressources in situ, c'est très cool, et ça sera probablement une composante fondamentale à des futures stations pérennes sur la Lune ou voilà, sur Mars ou plus loin. Intéressant, rigolite, qu'est-ce que c'est ? C'est drôle. Tu fais avoir tout seul, ça. C'est magnifique. On continue, pardon Guillaume, avec la fabrication des iPhones. Tu as identifié une petite enquête qui est parue notamment sur restofworld.org, un site, décidément, à chaque fois je vois des papiers qui sortent sur ce site qui sont terriblement intéressants. Il faut que je bookmark plus activement ce site internet, Guillaume. Mais oui, alors les iPhones sont fabriqués, ou sont-ils fabriqués en enfer ? Il y a un long article, effectivement, de Rest of World qui décrit la situation de plusieurs jeunes Chinois qui ont travaillé pour Foxconn avant et pendant la crise Covid, et d'ailleurs pendant les révoltes à iPhone City, qui ont causé l'arrêt des chaînes et des soucis d'approvisionnement récents pour Apple. Donc le travail chez Foxconn, c'est pas rigolo. Hein. C'est en tout cas, dans les cas qui sont décrits, quoi, hein, c'est du travail à la chaîne, donc du genre attacher 600 câbles et visser 1200 vis par jour de 10 heures, oui, dans une pièce sans fenêtre, hein, avec des chefs d'équipe qui tiennent plus du maton, voire du capot, avec des postes pipi retenus sur salaire, des pauses déjeuner les plus courtes possibles, voilà, toujours engueuler pour pas être assez rapide, pas être assez efficace, harceler en permanence à la limite de l'insulte, le tout en dormant dans des pièces de 6 mètres carrés. Pourtant, il y a divers sons de cloche, parce que beaucoup, bon voilà, il y a beaucoup qui supportent difficilement tout ça, mais il y en a d'autres qui sont plus nuancés, parce qu'après tout, le boulot chez Foxconn n'est pas plus dur que beaucoup d'autres, et au moins il est bien payé. C'est ce que disent certains, parce que si les ouvriers acceptent de venir, finalement, et en connaissance de cause, tout le monde sait comment ça se passe chez Foxconn, c'est parce que la boîte paye bien, parfois même deux fois mieux que la moyenne. Parce que tu fais des heures sup. D'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, les heures de base ne sont pas attrayantes, c'est les heures sup qui sont attrayantes, qui peuvent tout changer, à tel point que si un chef d'équipe veut te punir, il te prive d'heures sup. Bon, l'un dans l'autre, entre pragmatisme et fatalisme, beaucoup partent de chez Foxconn pour y revenir un an plus tard à la faveur d'une offre de la boîte, presque en forme d'événement ou de challenge promotionnel organisé sur WeChat. Et c'est peut-être ça le plus étonnant, en fait, la manière dont Foxconn a complètement ubérisé sa masse ouvrière. Ça vient sans doute d'Apple en grande partie aussi, puisqu'Apple n'aime pas les stocks, il fait de la fabrication just in time, juste à temps. Un flux tendu. Il a du flux quasi tendu, effectivement, hein, ce qui fait que les moments de l'année où il se vend le plus de téléphones, c'est-à-dire Noël, Black Friday, etc., sont aussi ceux où Apple commande en masse. Et de fait, les ouvriers chez Foxconn sont devenus des saisonniers. D'ailleurs, il n'y a aucune friction. Aucune friction au départ. Tu pars, c'est tout. D'autres arrivent presque aussi facilement. Le turnover est permanent, totalement intégré à l'organisation générale, et quand Apple a besoin, bah Foxconn fait des promos sur WeChat. Voilà, il fait genre le 60 Days Challenge, voilà, rester 60 jours et gagner le double. Ça ressemble à un défi, peut-être parce que ça en est un, de supporter la cadence pendant deux mois, mais vu la paye, bah ils n'ont pas de mal à trouver des candidats. La paye est extrêmement importante, donc, hein, et quand Foxconn, après avoir confiné ses ouvriers à cause du Covid, s'est manqué là-dessus, ça a été la goutte d'eau, ça a déclenché les révoltes et les départs massifs dont on a parlé. Ouais. Mais depuis, avec l'assouplissement des politiques Covid, c'est rentré dans l'ordre. Alors, vous devez bien régulièrement passer 10 heures dans une pièce confinée avec quelqu'un qui crache ses poumons, mais bon. Tout ça, ça fait une masse salariale instable. Totalement morcelée, ils n'ont pas trop de risque de syndicalisme, je pense. Pourtant, dans les années 2010, les ouvriers restaient encore à l'année dans une usine. Mais depuis, le secteur des services s'est beaucoup développé en créant d'autres types d'emplois, puis les jeunes sont devenus plus urbains et moins enclins aussi à passer leur vie sur une chaîne de montage. Mais bon, comme il faut bien manger, ben les usines recrutent quand même toujours, tu vois. Mais le turnover a beaucoup augmenté et Foxconn en a fait un mode de vie, bien adapté aux demandes saisonnières de ses clients et en particulier d'un de ses principaux clients. Donc finalement, les iPhones sont faits dans une sorte d'enfer, mais pour un temps limité et variable, un purgatoire en somme. Ouais, d'ailleurs, on pointe du doigt les iPhones parce que c'est très documenté et je pense que ça doit être évidemment assez représentatif. Et derrière toute cette image parfaitement léchée, respectueuse de l'environnement, il y a cette réalité-là. Il faudrait qu'on puisse se pencher au global sur les usines qui fabriquent évidemment les smartphones. Mais oui. Au sens large. Mais d'ailleurs, c'est ce que je disais. Enfin, genre, les conditions de travail à Foxconn ne sont pas pires que dans beaucoup d'autres endroits. Oui. Ça a été bien mentionné. Donc là, on parle de Foxconn en l'occurrence. Bien Ils ont sûr. Suivi des gens qui ont travaillé là-bas. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Effectivement, pas très réjouissant de voir où on en est arrivé. Tu sais, j'ai l'impression d'ailleurs que le frein que va nous obliger à mettre, peut-être trop tard, hein, mais à marche forcée, le réchauffement climatique et les actions qu'il va falloir prendre derrière vont contribuer à mettre un frein aussi là-dessus. Mais bon, évidemment, c'est pas tout de suite et ça va pas être aussi soudain que ça. Et ça va poser des problèmes politiques et économiques dont je veux même pas les enjeux géopolitiques, c'est clair. Tu vois, d'ailleurs, c'est marrant, hein, je fais un petit aveu, je fais une petite parenthèse, mais quand je repense à des interventions de Jean-Marc Jancovici, qui vraiment, moi, humainement, m'a gonflé, mais qui sur le fond est très bon pour sensibiliser et te remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Moi, au début, quand il prenait la parole autour des enjeux géopolitiques sur le réchauffement climatique, ça faisait partie des petites choses où, tu vois, je creusais pas trop au niveau de mon cerveau et je me disais, oh, ça va, c'est un peu exagéré, quoi. Non, non, je pense qu'effectivement, si on rattache tout ce qui va être amené au réchauffement climatique et les actions qui vont en découler, qui vont être nécessaires, je pense qu'effectivement, d'un point de vue géopolitique, il y a des choses assez dingues qui vont se passer. Et sur le plan humain, ça va être violent. Bon, bref, allez, pardon, je termine cette parenthèse et je vais aussi apporter, on va aussi apporter un petit peu d'infos. Bah tiens, on parle de réchauffement climatique, de la transparence sur le minage de Bitcoin aux États-Unis, Guillaume. Oui, et même des toutes petites news crypto pour finir avec voilà, deux infos qui montrent bien aussi que l'ambiance est à plus de régulation, quoi. Donc d'un côté, il y a Paxos qui s'occupe des Binance US Dollar. Donc c'est le stablecoin de Binance qui est donc adossé à l'US dollar. Il est sommé donc Paxos par les autorités américaines d'arrêter de vendre du BUSD. Donc Paxos pourtant a toujours communiqué comme étant très clean côté régulation. Tu sais, il était un petit peu le bon élève en la matière. Mm-hmm. Donc il était géré par le NYDFS, donc c'est le département des services financiers de New York. C'est donc un peu étonnant qu'il soit visé au premier abord. Alors, il semble que il soit sous le coup d'une enquête de la SEC, hein, précisément pour, je cite, plusieurs problèmes non résolus reliés à Paxos et à sa relation avec Binance à travers le BUSD. Donc, une action pour violation du droit des investisseurs pourrait suivre. C'est assez flou quand même, mais on peut dire que ça montre que les stablecoins sont clairement dans le viseur des autorités. Il faut dire que dernièrement, il y en a quand même pas mal de stablecoins qui se sont pas révélés vraiment très très stables. Et donc, évidemment, leur cours est censé ne pas varier, hein, donc ça donne confiance, et manifestement, c'est pas toujours de manière justifiée. Donc le BUSD semble donc être la dernière en date à passer sur le grill, on verra bien ce qui en sortira plus précisément. Et oui, concernant le Bitcoin, là aussi, l'attention des pouvoirs publics se renforce, puisque les démocrates demandent aux agences fédérales d'obliger les mineurs à publier leur consommation électrique et leur empreinte carbone. En fait, ça fait suite à des demandes plus ou moins ciblées déjà qu'il y avait eu l'an dernier et qui sont pour l'essentiel restées lettre morte. Donc les mineurs sont partis de Chine, hein, ils sont passés par le Kazakhstan où ils ont cassé le réseau électrique et finalement c'est aux États-Unis qu'une bonne partie se retrouve. Mais bon, entre les tensions sur le réseau de certains États et le push dans la lutte contre le changement climatique, ça risque de pas être aussi peinard que ça. Bon, perso, vous savez, hein, de toute façon, je souhaite qu'on débranche Bitcoin, hein, parce que voilà, et tout est crypto proof of work. D'ailleurs, notez que j'ai rien de particulier contre les autres cryptos qui sont sobres en énergie, quoi, tu vois, mais bon, c'est le proof of work que je vois pas du tout pour qu'on les garde. Et bon, j'ai eu un espoir d'ailleurs que le minage devienne définitivement non rentable, hein, vers novembre, quand il est tombé vers 15 000 $. Ouais. Mais mes espoirs ont été déçus. Inexplicablement, il est remonté autour de 20 000 et il semble pas vouloir redescendre franchement. Franchement, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Pourquoi il est remonté mi-janvier? Pourquoi il résiste? Qu'est-ce qui est plus favorable aujourd'hui économiquement qu'avant mi-janvier? Je sais pas. D'ailleurs, personne ne comprend rien. Sur les sites spécialisés, chaque jour, la moitié des experts le voient remonter et l'autre se casser la gueule. Tiens, encore aujourd'hui, hein, j'ai inventé rien. Crypto News, aujourd'hui, un expert de Bloomberg prédit que le Bitcoin va s'effondrer. Et sur le journal du Coin, je lis, le patron de Pantera est très confiant, bientôt le bull run. Et bientôt, et bien sûr, il y a aussi toujours Kiyosaki, je ne sais plus qui, là, qui prévoit le Bitcoin à 500 000 $ en 2025. Bon, écoute. Voilà, j'en viens à me demander quand même. Même, tu sais, j'aime bien me demander s'il n'y a pas une manipulation des cours derrière cette stabilité. Oh, quand même. Vous allez me dire que je fais mon complotiste. Je fais mon complotiste et vous avez raison parce que j'ai pas de preuves. Voilà, je sais pas. Par contre, c'est déjà arrivé. Un phénomène comme ça s'est déjà passé en 2017. Il y a un prof de finance à l'université du Texas qui a analysé 200 gigaoctets de données de trading pour découvrir que le cours du Bitcoin avait été artificiellement pompé par une seule unité, une espèce d'énorme baleine qui achetait quand ça tombait et qui utilisait les fluctuations pour se refaire. Et il achetait en fait en tether, une autre monnaie, supposément stable d'ailleurs, mais qui était en fait produite en grande quantité, ce qui permettait d'avoir du Bitcoin à pas cher et de faire plus facilement monter les cours. Et il y a tout un long article là-dessus, alors c'est pas vraiment l'article à Yahoo que j'ai pointé, mais il y a tout un long article sur cette enquête de 2017 qui est assez intéressant. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a un truc analogue qui se passe, voilà, qui se passe aujourd'hui, va savoir. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Donc écoute, voilà, je fais purement mon complotiste, j'ai pas de preuves, mais je trouve ça vraiment bizarre. Non, j'allais dire des choses, mais effectivement, ce serait dans la directe continuité de ce que tu viens de dire, à savoir, moi non plus, j'ai pas de preuves, mais on pourrait supposer que. Mais bon, on va pas s'en sortir. C'est sans fin. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette revue qui complète habilement la veille de la tech de la semaine, avec toute cette myriade de petits sujets. On est ravis que vous puissiez nous écouter semaine après semaine et que vous écoutiez les suppléments de Tech Café. On est ravis aussi de prendre connaissance de vos avis sur Apple Podcasts, Podcast Addict, toutes vos réactions et vos commentaires. On est évidemment très enthousiaste à l'idée que vous puissiez envisager de partager l'émission à votre entourage. Alors ça peut être au travers des réseaux sociaux, ça peut être au travers de vos relations professionnelles, auprès de vos amis. Vous le savez, hein, vous avez parfois des personnes dans votre entourage qui sont assez curieux de la tech, mais qui ne demandent qu'une chose, c'est accéder directement à l'info. Peut-être que vous pourriez les inciter à écouter Tech Café, peut-être à leur montrer à cette occasion comment on s'abonne à un podcast. On compte sur vous pour vous en faire les ambassadeurs. En attendant, on vous propose aussi de nous retrouver sur Patreon, patreon.com/techcafé, pour nous soutenir et puis vous garantir la parution des épisodes de Tech Café semaine après semaine. Et même, si vous voulez aller décidément au plus loin possible, vous pouvez nous contacter à titre individuel. De ton côté, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Mais moi, je pense qu'on va me retrouver devant mon vidéoprojecteur à me faire une petite séance, une petite intégrale Indiana Jones. Ah oui. Et voir si vraiment le 4 est aussi nul que ça. En fait, je l'ai vu au Cinoche et je m'en souviens pas plus que ça. C'est alors, pas un mauvais signe d'ailleurs. Le 4 est bien jusqu'à ce que tu vois la fin. Et en fait, une fois que tu te dis à la fin, tu te dis non, il était vraiment nul. Je crois que c'était. Ah. Non, mais je crois que déjà, Shia LaBeouf, déjà, c'est un problème en soi. Mais bon. Mais ça me donne envie aussi de revoir la trilogie. Mais c'est vrai qu'il y a un souvenir en fait. Mais évidemment. J'ai bien dit la trilogie. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Et puis, on vous dit bien entendu rendez-vous dans quelques jours maintenant dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.